Exercice 12, page 117. Je n'ai jamais su pourquoi il avait changé d'avis ce soir-là. Je jouais souvent chez un copain. Peut-être qu'un jour, moi aussi, j'aurai droit à ma console.